clé des grandes métamorphoses. Les écrivains se moquent de dire vrai. Vous êtes encore avec Julie Collin à l'émission Bouquins et Confidences, accompagnée d'Émilie Rivard. Rebonjour, Émilie. Rebonjour. Donc, avant la pause, on a discuté beaucoup de ton parcours, des nombreux livres que tu as sortis au fil des années. J'aimerais qu'on parle un peu de culture à l'école. Oui. En fait, les ateliers que tu donnes dans les écoles, qui est aussi quand même une partie assez importante de ton travail et de tes revenus aussi, j'imagine. Oui, tout à fait. Évidemment, l'animation scolaire, ça permet, oui, aux auteurs jeunesse de vivre de leur plume un peu plus. J'espère qu'il n'y a personne qui le fait juste pour l'argent, par exemple, parce que ce serait vraiment désagréable pour tout le monde. Je pense que c'est... Il faut être passionné, hein? Il faut aimer les enfants. Aimer ça. Puis, veux pas, c'est pas la même chose du tout. C'est un travail qui est complètement différent. Oui, on connaît, on parle de notre métier, on parle de notre œuvre, on la connaît, ça va bien. Mais en même temps, entre être enfermé dans notre bureau à écrire et être devant un groupe et animer des jeunes, moi je le fais maintenant de maternelle jusqu'à cinquième secondaire, donc vraiment c'est différent aussi d'un groupe à l'autre, évidemment. Faut aimer ça, sinon faites autre chose. C'est quoi le type d'activité que tu vas faire avec les jeunes? En fait, à quoi ça peut ressembler? Moi, je vais vraiment très librement, en fait, je vois avec les enseignants où sont leurs besoins, ce qu'ils veulent. Au départ, je ferais souvent des activités de création comme telles dans les classes. Ce que je me suis souvent fait dire par les enseignants, c'est « ben ça, ce boulot, on est capable de le faire ». Donc, ce qu'on veut plus, c'est que les enfants apprennent c'est quoi le métier d'auteur, comment ça marche, comment tu écris, comment... Puis souvent, évidemment, l'écriture, que ce soit pour moi ou un élève de troisième année, ça reste un petit peu la même chose. Le processus est un petit peu le même. Ils font un brouillon, ils font un propre. Toute la structure du texte, c'est sûr que nous autres, on va éclater ça, on va un peu transformer les choses, puis on n'a pas un modèle aussi scolaire, évidemment, mais en même temps, ça se ressemble énormément. Puis ça rend la chose vraiment très pertinente pour les enfants d'apprendre que, dans le fond, ce qu'ils font, c'est exactement comme un vrai auteur. Puis là, ça prend tout son sens, finalement. Comme faire les recherches. Donc, aussi, ou regarder dans le dictionnaire des choses comme ça. J'imagine que quand on est jeune, des fois, à l'école, ça nous tente un peu moins de fouiller dans le dictionnaire ou de faire des recherches par moment, et de savoir qu'un auteur qu'on apprécie fait le même type de travail de son côté, finalement, de trouver le mot juste, de trouver un synonyme ou de faire une recherche juste pour avoir un peu plus de précision sur un sujet. Oui, de montrer aussi que je suis pas parfaite en français du tout. J'en fais des fautes, moi aussi. De rendre ça... de montrer qu'un auteur, c'est un être humain comme tout le monde, finalement. Ça nous fait tomber un peu sur notre piédestal. Des fois, ils me voient arriver, puis ils sont un peu mal à l'aise. Puis à la fin, ben j'ai droit à des câlins, là. Puis ils se rendent compte que j'ai rien de si particulier que ça, finalement. Je suis pas inaccessible du tout. Donc, c'est un peu ça, mon rôle, je pense, dans la classe aussi. C'est leur montrer c'est quoi le rôle d'un écrivain. Puis de leur donner cette passion-là pour l'écriture. Ça, c'est quelque chose que les enseignants... que j'ai visité vont me dire après coup, ils voulaient tous écrire après, là. C'était facile, là, de lancer un sujet puis de les starter, si on veut. Donc, après ma visite, c'est sûr qu'ils sont plus motivés à lire, à écrire, à découvrir des nouvelles choses par le biais de l'écriture puis de la création. Donc, c'est un peu ça mon rôle. Évidemment, je fais pas la même chose avec des maternelles puis avec des sixième années. Mon approche va être très, très différente. Je vais me baser sur des livres différents aussi. Ça me permet de parler de ce que j'ai fait, des livres que j'ai écrits, selon, évidemment, le public à qui je m'adresse. Avec les plus vieux, j'ai un peu plus parlé de romans policiers, de la structure du roman policier, comment faire le plan. Donc, c'est ça, selon les élèves que je rencontre, je vais évidemment transformer. Puis même d'une classe à l'autre, de même niveau, je dirais jamais la même chose, là, selon les questions qu'ils peuvent avoir. C'est pas un texte que tu récites, là, non, pas finalement, du tout. C'est je vrai. Trouverais ça épouvantablement emmerdant de juste dire la même chose, arriver dans la classe, peser sur play, puis juste laisser aller le discours, juste laisser aller la cassette. Je serais pas capable de faire ça très, très, très longtemps, là. Je fais au moins, les dernières années, environ une centaine de classes par année. ça serait vraiment très ennuyant. Ben pour moi, là, les enfants s'en rendraient pas compte, évidemment, mais pour moi, ça serait pas intéressant du tout de juste toujours dire la même chose. Donc, puis des fois, je vais voir aussi si un sujet, je suis en train de parler d'un sujet, je vois que ça les allume vraiment particulièrement, ben je vais mettre l'accent là-dessus. J'essaie d'être le plus alerte possible, le plus attentive pour... à ce qui se passe autour, à ce qui se passe dans la classe. Des ateliers de combien de temps? Habituellement, c'est une période. Donc, environ une heure? Oui, c'est ça. 45 minutes à une heure. Encore là, ça dépend. J'ai déjà fait des deux heures. Donc, on faisait une partie plus conférence, plus j'explique ce que je fais dans la vie, puis une partie création. Donc, tout se peut, là, selon les besoins puis les attentes des enseignants. Là, je vais me plier à ça avec grand plaisir. Comment tu as fait pour commencer à faire des ateliers dans les écoles? Bien, il y a le programme La culture à l'école, qui est un programme du ministère du gouvernement du Québec, qui permet de financer jusqu'à 70 % la venue d'un auteur et d'un artiste. Là, il y a le volet artiste à l'école aussi, dans la classe. Donc, il faut s'inscrire au programme. J'ai été très chanceuse. Je ne sais pas si je suis tombée comme dans une craque à un moment donné. Je sais que pour certains auteurs, c'est vraiment difficile d'y entrer. C'est difficile. Ils font des demandes 2 ans, 3 ans de suite. Moi, ça fait une dizaine d'années que je suis là. Je suis peut-être tombée une année où il y avait moins de demandes de la part des auteurs, donc possiblement. Donc, ça fait vraiment plusieurs années que je suis dans ce programme-là. Puis, il y a un répertoire disponible pour les enseignants. Donc, les enseignants vont voir qui est disponible, qui peut visiter leur région. Et donc, voilà, je fais plus vraiment de publicité nécessairement. Là, je reçois les appels des professeurs, tout simplement, qui ont vu mon nom dans le répertoire. Puis il y a certains enseignants aussi qui m'invitent d'année en année. Quand je fais pas une école au complet, quand je fais seulement un niveau, bien, ça me permet de retourner toujours d'année en année à la même école. Et quand tu as donné ton nom, finalement, pour faire ça, quand tu as décidé que tu voulais commencer à faire ça, est-ce que tu devais soumettre un projet ou tu avais seulement, puis seulement, je mets des guillemets, là, à présenter la liste des livres que tu avais fait, puis je suis auteur jeunesse, tu avais vraiment un projet à présenter? Parce que j'imagine, parce que j'ai cru comprendre, puis pour les gens que c'est peut-être pas encore clair, tu vas pas là pour lire ton livre, là. Tu vas faire une activité, donc il faut quand même que tu soumettes une certaine activité, j'imagine, pour que ça soit accepté. Exactement. Au départ, il faut expliquer là, ce qu'on compte faire en classe, le type d'atelier qu'on propose. En bout de ligne, ça c'est justement, comme je disais, ça fait 10 ans que je suis là. Oui, j'ai changé un petit peu ma fiche dans le répertoire, mais pas tant que ça, ce qui fait que ça a beaucoup évolué depuis que je me suis inscrite au départ. Alors, ça a changé énormément selon, évidemment, les besoins des enseignants, tout simplement. Puis des fois, je fais un atelier dans une classe, je me rends compte que ça fonctionne bien, mais je vais le reprendre. Donc, c'est sûr que c'est ça, la fiche est plus ou moins à jour là-dedans. Puis je préfère aussi laisser ça un petit peu plus libre, un peu plus... je préfère m'adapter aux besoins. Je trouve que c'est plus intéressant pour tout le monde, tout simplement. Donc, un groupe qui n'aura pas... j'ai fait aussi une année, j'étais allée à l'école oraliste, par exemple, qui est une école pour les enfants sourds. Ils ont des implants, mais donc, c'est ça, ils entendent, évidemment, ils communiquent, mais ils n'ont pas les mêmes besoins qu'une classe traditionnelle, si on veut. Et avec eux, on avait fait quelque chose de complètement différent. Donc, il y avait... improviser une scène, les enfants improvisaient une scène et pendant ce temps-là, d'autres enfants essayaient d'écrire l'histoire à mesure que ceux d'en avant improvisaient. C'était vraiment éclaté, c'était vraiment génial. Donc, c'est un peu le genre d'animation que je peux créer vraiment à la pièce, finalement, là, selon les besoins de la classe. Donc, c'est principalement primaire, secondaire, si tu disais tantôt. Oui, secondaire, c'est nouveau. Donc, c'est un autre... finalement, je viens de m'ajouter à la culture à l'école au secondaire. Okay. J'en ai fait un peu quand même, mais pas encore autant qu'au primaire, évidemment. Okay. Ça peut ressembler à quoi comme format? C'est vraiment plus de type conférence, donc je vais parler de mon travail un peu plus. Il y aura moins de la partie création que je peux faire là, à la fin des animations au primaire. Au primaire, j'essaie de rendre ça le plus... en fait, de varier beaucoup au tout au long de l'heure pour pas que je peux pas juste parler pendant une heure, là, ils décrochent à un moment donné puis c'est normal. Donc j'essaie vraiment de varier. Au secondaire, d'habitude, ils sont capables de plus écouter pendant une heure. Bon, c'est relatif, mais je dis ça avec beaucoup d'amour. J'adore les ados. Voilà, je vais quand même un peu plus faire une animation un peu plus cadrée, si on veut, là, vraiment, où je vais parler un peu plus de mon travail. Je me base sur des romans avec des thèmes. Mes romans pour ados, souvent, ce sont des romans, pour la plupart, des romans avec un thème un peu plus... qui a souvent été visité de façon dramatique et que moi, je vais un peu plus traiter avec humour. Par exemple, le roman « Ma vie autour d'une tasse John Deere » qui parle d'homosexualité, mais de façon vraiment plus légère, plus lumineuse, plus que ce qu'on voit habituellement dans la littérature. C'est un jeune qui est assumé, hein, c'est ça. Je me souviens bien, c'est un jeune en secondaire 5, il me semble, qui est vraiment... il est gay et il est très assumé. Et tout va bien. Tout à fait, tout va bien. C'est ça, c'est une caractéristique du personnage et non le cœur du récit. Puis c'est ce que je voulais faire. Et ça peut être... C'est un angle intéressant aussi à amener dans la classe, de dire, ben regardez, on peut traiter de sujets un peu plus sérieux, mais on peut prendre plusieurs angles pour l'exploiter, finalement, ce sujet-là. Toi, t'es quelqu'un qui utilise beaucoup l'humour aussi, quand même, dans tes livres. J'imagine que dans tes ateliers aussi. Oui! Souvent, j'ai vraiment pas de filtre dans les ateliers. Et des fois, je m'en mords les doigts. Puis des fois, je vois que les enseignants... non, j'allais dire ils grimacent, mais non, ça va, mais des fois, je me dis « Oups, j'ai peut-être dit la phrase de trop. » Mais ça amuse beaucoup les enfants, ils adorent ça. Puis, c'est sûr, je réponds à toutes les questions qu'ils me posent, peu importe si c'est pertinent ou pas. Quel genre de questions qu'ils peuvent te poser? La question que ça m'inspire un peu? Oh, attends, là, j'ai pas d'exemple, c'est plate, parce qu'il y en a tellement des... Est-ce que ça pourrait me permettre de m'améliorer, si là? Drôle. Mais des fois, c'est vraiment juste des questions qui ont aucun lien avec, tu sais, c'est quoi ta sorte de chip préférée? Tu sais, je trouve ça tellement drôle. Puis là, je prends vraiment les questions au sérieux. Puis je me dis, waouh, attends, là, je sais pas, j'ai pas pensé à ça. Puis là, ils sont vraiment très contents de savoir c'est quoi ma sorte de chip préférée. Ben, nous, on veut savoir, je pense, là. Ça nous intrigue, là. Je sais pas ce que j'avais répondu cette journée-là. Fait que, là, aujourd'hui, tu sens aujourd'hui, comment? Aujourd'hui, j'irai avec lime et poivre, tiens. Quand même, hein? J'essaie de trouver quelque chose de pas trop plate. Non, mais t'aurais pu choisir régulier si t'avais voulu, là, c'est pas grave, là. Ouais, mais je filais pas nature. OK. Fait que voilà. Non, mais c'est ça, les enfants, tu sais jamais ce qu'ils peuvent te dire. Puis moi, je joue avec ça, là. Je vais pas être offensée d'une question qui est pas pertinente, finalement. Puis c'est ce qui rend les choses vraiment plus amusantes aussi. Hey, j'ai envie de mettre une autre chanson. Oui! Une autre chanson aussi qui est tirée du roman Première Avenue. Ouais. Ouais. Ella Fitzgerald. Oui! Oui! Fait qu'on va mettre ça, puis on revient tout après. Excellent! Donc, Ella Fitzgerald est accompagnée de Louis Armstrong. Oui. Oui. On a fait une faute, d'ailleurs, dans la playlist du début, le top 26. Avais-tu remarqué qu'il y avait... Oui, j'avais remarqué. J'aurais pas osé le dire, par contre. Mais c'est pas grave, parce qu'il a été réimprimé et maintenant la faute est corrigée. Fait que j'ai une vieille copie. C'est pour ça que je le dis. J'ai quand même une vieille copie. Une des premières, probablement, qui a été imprimée. Donc, oui, il y avait une petite faute au début, mais c'est pas grave. Donc, il y en a tout le temps. Tu peux-tu nous lire l'extrait qui est lié à ça? Tout à fait. Ah, mais là, t'as peu. Si je commence du début, c'est moins en lien avec la chanson. C'est pas grave, on va y aller comme ça quand même. Dernière livraison de ma journée de travail, deux cégepiens qui, sous l'effet d'un excès de potes, mélangent les nachos, la crème glacée au rouleau, les frites McCain et le pudding en bol au caramel. Après seulement 4 minutes 30 secondes passées dans leur aire de vie, ma conscience est grandement altérée. Il faut dire que je ne suis pas une consommatrice aguerrie des substances illicites, outre le pudding au thé vert. Je devrais peut-être m'y mettre maintenant que je suis une dangereuse tatouée. Là, je suis en train de dire plein de punch, mais c'est pas des gros punch. C'est pas grave, ils s'en souviendront pas. Non. Je sors de l'immeuble donnant juste devant le cégep en laissant mon iPod une fois de plus décider de la suite. Il choisit une chanson tirée de cet album d'Ella Fitzgerald et Louis Armstrong que ma mère adorait et que j'ai mis du temps à apprécier. Dream a little dream of me incite ma foulée à se faire plus longue et dansante. Voilà. Oui, c'est que les chansons sont vraiment, comme tu disais, intégrées. Des fois, elles sont intégrées comme ça. Des fois, c'est les paroles qui sont utilisées. Des fois, c'est plus subtil aussi. Des fois, il a fallu que je regarde la playlist pour me dire hey, « c'était quelle chanson cette fois-ci? » Ah oh, oui, c'est celle-là. Oui, souvent, c'est juste le ton que ça donne. C'est juste l'ambiance, en fait. Oui. C'est une excellente idée. Est-ce que cette idée-là est reprise pour Notre-Dame-des-Anges? Cette idée-là, j'ai essayé. Sauf que la structure de Notre-Dame-des-Anges, les chapitres sont beaucoup plus longs, ce qui fait que, bon, dans Première Avenue, il y a une structure un peu cinématographique qui fait que chaque chapitre est une scène en soi, est une séquence en soi. Donc, ça fonctionnait très bien de trouver une chanson qui fonctionnait pour presque tout le chapitre. Dans Notre-Dame-des-Anges, j'ai essayé de le faire, mais ça décalait, ça marchait avec le début du chapitre, mais pas la fin, ou vice-versa. Ça avait pas de bon sens. Puis je me suis dit, bon, tant qu'à ça, je le ferai pas. Il va y avoir autre chose. Donc, encore un petit... une espèce de liste, si on veut. Mais vous verrez ça à l'automne. Oui, puis moi, en passant, je ne l'ai pas vu encore. C'est que je ne sais pas trop qu'est-ce que ça a l'air non plus comme concept, mais je vais vous tenir au courant quand je vais le savoir. Et on est rendu vers la fin de l'émission, Émilie. Oui, ça passe vite. Ça va trop vite. Comme d'habitude. Et je t'ai demandé de nous faire des suggestions de lecture parce que je trouve toujours ça intéressant. Oui, les suggestions de lecture, c'est le fun d'en avoir, mais aussi de voir qu'est-ce qui inspire un auteur. Qu'est-ce qu'un auteur, ça aime lire? Oui, ça a été très difficile de faire une liste parce que, ben de un, j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge, puis je lis un livre et je l'oublie très souvent, même ceux que j'aime. Et je peux, mais c'est très avantageux parce que je peux relire le même livre très souvent, puis encore être surprise par les punchs. C'est vraiment épouvantable, là, mais c'est comme ça. Donc, c'est sûr que j'aurais pu quadrupler cette liste-là et même plus, mais c'est pas grave. C'est mes lectures des dernières années. En tout cas, c'est des lectures récentes. Première lecture, justement, je parlais de ma vie autour d'une tasse John Deere tout à l'heure. Puis je parlais du thème de l'homosexualité que j'ai traité donc un peu plus lumineusement, mettons. Le premier titre de ma liste, c'est vraiment la même situation aussi, c'est Fée aime fée d'Amélie Dumoulin, qui est un roman aussi pour adolescents, mais que tout le monde pourrait lire, peu importe l'âge. C'est vraiment très, très, très accessible. Évidemment, le personnage principal qui s'appelle Fée, elle est adolescente, mais vraiment, ça ne coupe pas notre plaisir de lecteur adulte du tout. Excellent. Le style d'Amélie Dumoulin est tout à fait génial, divin. J'étais très jalouse en le lisant. C'est vraiment hallucinant. J'ai adoré. Donc voilà, Fée aime Fée. Il y a la suite aussi, Fée verte. Tout aussi bon. Voilà. Deuxième suggestion, La vie rêvée des grippins. Dedder O'Neill. Hey, wow, mon accent est pitoyable. Pas facile à dire, quand même. Ouais, hein? Non, mais coudonc. Elle ne se trouvera pas un nom d'emprunt juste pour me faire plaisir. Excellent. C'est un recueil de nouvelles. Et les nouvelles sont souvent très différentes les unes des autres. Mais l'écriture, encore là, elle a une plume incroyable. C'est les images qu'elle crée, les figures de style, c'est sublime. Donc, je vous recommande ça. En plus, la couverture est écœurante. C'est la couverture qui m'a fait acheter le livre à la base, mais j'ai vraiment pas été déçue. En fait, je me disais, waouh, j'ai dit ça à plusieurs personnes qui trouvaient la couverture belle. Je disais, ben, si t'aimes la couverture, probablement que tu vas aimer le livre aussi. Il y a comme quelque chose d'un peu loufoque, un peu décalé, un peu étrange sur le dessus, qui colle très, très bien à la plupart des nouvelles à l'intérieur. Donc voilà, c'était ma deuxième suggestion. Tu me coupes quand t'es tannée de m'entendre, hein? Ben non, je te coupe pas du tout. Excellent. Non, c'est parce que je regarde le temps, mais pas tant. Fait que voilà. Moi, je le regarde. J'aime mieux parler des autres que de moi. Alors là, je suis partie, ça va bien. Troisième suggestion, Les Murailles d'Erika Soucy, qui va être au théâtre bientôt, qui est une adaptation théâtrale. Au printemps 2019, au Périscope. Et on va parler avec Erika la semaine prochaine, à Bouquin Confidence. Regarde donc ça, si c'est lié. On dirait que tu me l'avais dit, mais c'était même pas le cas. Non, c'était même pas le cas, en effet. Vraiment. Les Murailles, ce que j'ai particulièrement aimé, bon, d'un, le style d'Erika, ça revient tout le temps, là. Bon, un livre quand le style me touche pas, quand l'écriture est un peu trop froide, un peu trop qui manque de, de gras autour de l'os, j'embarque difficilement. Donc, c'est pour ça que c'est un peu, ça revient toujours, là, le style de l'auteur, c'est important pour moi. Donc, le style d'Erika, Erika qui est poète à la base, qui écrit magnifiquement bien. Et le thème, donc, c'est une histoire qui se passe dans les chantiers, dans le Nord. Et c'est la réalité d'une grande partie de la population québécoise, les hommes qui partent, qui partaient bon, avant, mais aujourd'hui encore, là, oui, ça existe encore, là, qui partaient dans le Nord. C'est une réalité qu'on connaît très, très, très peu en tant que, en tout cas moi, en tant que petite citadine, c'est une réalité que je connaissais pas du tout. Donc, d'avoir une fenêtre sur ce monde-là, j'ai trouvé ça fascinant, c'est vraiment excellent. Erika voulait vraiment comprendre qu'est-ce qui motive les hommes à partir loin comme ça, parce qu'en fond, oui. Elle, son père, oui. Il faisait, dans le fond, il travaillait sur les mines, puis tout ça, puis elle se demandait pourquoi que son père quittait, comment qu'il faisait, dans le fond, elle ne voyait pas si souvent que ça quand il était jeune, ouais. Comment qu'il faisait pour aller là-bas, puis qu'est-ce qu'il trouvait là-bas, c'est qu'elle voulait vraiment comprendre, donc elle est allée là-bas elle-même pour aller vraiment le vivre sur place et vraiment l'étudier, le comprendre et l'écrire. Oui, évidemment, de cette expérience-là est sorti le roman, mais aussi un recueil de poésie magnifique, qui s'appelle « L'épiphanie dans le front », si je ne me trompe pas. J'espère que je ne me trompe pas. Enfin, sinon... Je vérifierai. Merci. Le bestiaire des fruits, ma prochaine suggestion de Sviane. Là, on est vraiment dans la BD, on est ailleurs. C'est un blog à la base. C'est aussi simple qu'elle a testé des fruits et elle a mis ses commentaires sous forme de BD, tout simplement. Des fruits exotiques, hein, souvent. Des fruits exotiques, c'est vraiment, oui, de tout. J'ai découvert des fruits, mais c'est surtout extrêmement drôle. Il y a une spontanéité dans les livres de Sviane qui est juste parfaite. Donc, voilà, si vous voulez. Puis, je lisais très peu de BD avant. Là, j'ai appris à aimer... J'allais dire, j'ai appris à aimer ça. C'est pas vrai. Je suis juste tombée sur des albums comme celui-là qui m'ont fait aimer la bande dessinée. Donc, si vous en lisez peu, ben boudez pas votre plaisir. Regardez vraiment Sviane, c'est... Oui. C'est très, très, très accessible. C'est vraiment extrêmement drôle. J'approuve. Surtout que c'est... moi, c'est un livre que j'ai découvert à un moment donné. Je l'avais trouvé par hasard à la bibliothèque. Et les 10 fruits qu'elle évalue, sont vraiment différents. Elle les évalue d'une façon complètement différente. Donc, elle ne repart pas du même pour comparer. Elle ne part pas de l'autre. Puis ça, c'est vraiment... Chacun des fruits, c'est individuel. C'est... Une chose, c'est vraiment super intéressant. À la fin, il y a un gala des fruits, c'est n'importe quoi. Ah oui, parce que je riais ma vie. Oui, c'est ça. Trop moi, drôle. Je riais ma vie. Puis j'en ai parlé sur mon blog il y a environ 2 ans, 3 ans peut-être. Et c'est un livre qui s'est vendu souvent via mon blog. Puis il y a des gens qui m'en ont parlé aussi, qui m'ont dit hey, « j'en ai acheté 3 copies, puis je les ai données à des gens que je connais. » Parce que c'est un livre vraiment qui lit super facilement pour découvrir... des nouveaux fruits ou juste avoir un brin de folie, finalement, de Sviane. Tout à fait. C'est tellement drôle. Hey, là, moi, je viens de parler, mais il nous reste 1 minute. Mais c'est excellent parce que j'aime bien... Bon, je sais que sur ton site, il y aura un peu plus de suggestions. C'est exactement ça que j'en allais mais dire. Mais là, ce qui est merveilleux, c'est que je m'arrête avant de tomber sur des auteurs masculins. Donc, j'avais qu'une liste féminine. C'est vraiment la liste que tu m'avais donnée au départ, ouais. En fait. Hein? Ben oui, par hasard, j'avais juste des filles. Puis je disais, ah, ben écoute, on va laisser ça comme ça. C'est mon petit côté féministe du jour. Puis finalement, ben, je vais mettre le reste sur le blog julieoli.com. Comme à chaque semaine, je mets, dans le fond, les grandes lignes de l'entrevue. Puis je mets les compléments d'information, comme les suggestions de lecture. Mais il en reste quand même quelques-unes. Ça va être intéressant aussi de les voir. Donc, merci beaucoup, Émilie. Merci à toi, Julie. D'être venue nous parler. La semaine prochaine, on va recevoir, comme je disais tantôt, Erika Soucy, qui va venir nous parler, entre autres, de Les Murailles, de l'adaptation au théâtre. On va discuter de plein de choses, comme d'habitude. Elle aussi, c'est quand même quelqu'un qui est assez productif, qui fait plein de choses, donc ça va être intéressant. Je vous laisse au bon soin des saints patrons de la Couffaine pour le reste de la programmation. Je vous souhaite une belle soirée. À la semaine prochaine.